Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est une pratique qui permet de voler de longues heures à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude, et ce, sans l'assistance du moindre petit moteur, en s'appuyant seulement sur les courants d'air ascendants. L'engin utilisé est un planeur, et le nom de l'activité, un faux ami, le vol à voile. En 1985, pour le magazine L'Échappée Belle, présenté par Marie-Hélène Fraissé, Bernard Matignon nous proposait d'en découvrir l'histoire. Où l'on apprendra, entre autres, ce qu'est la finesse d'un planeur, dans quelle situation il vaut mieux se poser aux vaches, ou encore dans quel cas on reste collé au plafond. Le tout raconté par ceux qui savent piloter ces engins et qui s'appellent les Vélivoles. Une émission réalisée par Eliane Millot et diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1985. On est à 130 à l'heure. Alors on fonce sur la montagne. On descend sur la montagne. Voilà. Négatif toujours. Oui, on a la montagne devant. Hein. Voilà, ça bouge. La montagne est toute proche quand même. À combien de... Oui, la montagne à droite, la montagne gauche. Bon alors, ça, ça commande les ailes, vous voyez. En arrière. Ah! C'est mon premier vol, oui. Ah, mais j'avais très peur. Et puis finalement, une fois que je me suis trouvée dans ce planeur avec un instructeur qui paraissait tellement sûr de lui, toute la peur s'est envolée en même temps que le planeur. Et ça y est, je me suis vraiment prise pour Peter Pan. Ça me dure depuis l'enfance, ça y est, j'ai compris. J'étais vraiment persuadée que j'allais avoir peur, que j'allais avoir le vertige. Et là, on est allé dans les montagnes. Enfin, vraiment, on est passé très près. À un moment, il m'a même dit qu'on était à quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? 50 mètres à peine ? Je me suis dit, oula, c'est peut-être un peu près, mais finalement non, il était tellement sûr de ce qu'il faisait que je me suis laissée complètement flotter. Au XVIe siècle, Léonard de Vinci, en découvrant la mécanique du vol dans les Alpilles, décrit sans savoir l'art du vol à voile. Au siècle dernier, Otto Lilienthal découvre le vol de pente, et il est l'inventeur de l'ancêtre du deltaplane. Mais il faut attendre le traité de Versailles pour que se développe vraiment le vol à voile, le vol sans moteur. Pourquoi ? Parce que tous les pilotes, les futurs pilotes de guerre, qui deviendront demain les pilotes de Stuka et de Messerschmitt, apprennent à voler sur des planeurs. Et c'est après la guerre que le vol à voile devient vraiment un sport. Voilà, un planeur qui décolle, c'est un Janus B. Ah oui, ça fait beaucoup de bruit aussi, c'est là-bas. Ah oui, mais... Bon, alors un premier planeur a été largué, un second est en remorquage, et nous allons à présent, j'espère, assister à de nouveaux décollages. Il reste 3, 4, 5 planeurs à décoller, et naturellement, Philippe, ce qui est important, c'est de mettre en l'air le plus vite possible les planeurs pour profiter au maximum du beau temps. Oui, bien sûr, oui. Oui, on a intérêt à les faire décoller. Ben, alors, décrivons un petit peu un départ d'un planeur. Alors voilà, on voit les pilotes, ils ont mis leur bob, leur petit chapeau sur la tête parce qu'il fait très chaud sous la verrière. On met un parachute. Oui, qui est obligatoire aussi. On met un parachute, des lunettes de soleil. Et on remarque que les pilotes sont assez chaudement habillés. Hein. Il n'y a personne qui part en short ou torse nu. parce que sous la verrière, quand on va monter, donc aujourd'hui certains vont monter jusqu'à 4000 mètres, le rayonnement est très important à ces altitudes. On va se pousser parce que sous la neige se déplace. Oui, ben voilà, parce qu'on s'installe, on prend doucement position. Je vois que il y a un Janus et puis quoi là, c'est quoi ce planeur ? Un MS4 et ici c'est un Nimbus 2. Alors, on s'installe. C'est très important, l'installation est très importante parce que quand on reste 3 ou 4 heures en l'air, il faut être très très bien installé avec le parachute. On vérifie les commandes en ce moment, là, les ailerons, la profondeur. Au sol, l'aile est couchée et on ouvre. C'est obligatoire, les aérofreins ouverts ? Le pilote doit faire ce qu'on appelle une visite pré-vol. Il fait le tour de sa machine. Il vérifie que toutes les gouvernes fonctionnent et que tous les instruments dont il va avoir besoin en vol fonctionnent, y compris la radio d'ailleurs. On peut remarquer tout de même le sérieux de la situation. Hein. Je crois qu'on ne s'amuse pas au sol, on est très sérieux avant un décollage. Il y a intérêt d'ailleurs. Oui, on est sérieux, disons qu'on non, est, enfin, on est, on est, oui, on est un peu concentré parce qu'effectivement on va voler. Maintenant, on a intérêt à faire presque un cérémonial de la visite pré-vol, c'est sûr. Maintenant, c'est pas... Ça devient de seconde nature, en fin oui, de compte. Oui, hein. Exactement. Les gens sont sérieux, mais ils sont très heureux quand même. Hein. Ils ont tous le sourire et... Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Bon, j'essaie de m'approcher d'un pilote avant qu'il referme sa verrière pour savoir ce qu'il va faire, quelles sont ses intentions. Car une fois de plus, il ne s'agit pas de se mettre dans un planeur, il s'agit aussi de savoir ce qu'on va faire, si c'est pour rester en local ou partir en circuit, ou pour faire peut-être un record d'altitude, mais pas aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit prévu, mais on peut le faire. Alors, vous êtes très bien installé là, ça va là ? Vous êtes pratiquement couché là ? Particulièrement confortable. Vous volez sur quoi aujourd'hui ? Un Nimbus. Bien, alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, là ? Eh bien... Il est 1h30, 2h, presque. Oui, eh bien, nous allons voler jusqu'à 18h. Et gagner la limite nord des Alpes du Sud. Puis descendre un peu plus, un peu davantage vers le sud et revenir à Saint-Auban. Ça fait combien de kilomètres, ça ? Oh, je compte faire 250 kilomètres. Bon, bah alors, à ce soir. Ce soir. Merci. Je crois d'ailleurs que votre remorqueur arrive. On va donc aller chercher le câble pour le remorquage. Parce que c'est une manière de remorquer traditionnelle, c'est pas du treuillage. Là, il y a un avion, un Rallye Commodore, qui est fait tout exprès pour remorquer les planeurs. Et là, vous remorquez à combien ? Vous avez largué à combien ? En général, c'est l'instructeur qui est dans l'avion qui nous bat des ailes. Hein. Mais en général, on est largué dans une ascendance et ensuite nous poursuivons tranquillement, le vol. Hein. Oui, tranquillement. Bon, bah, bon vol. Merci. Voilà, le remorqueur est arrivé. Devant le planeur, on va chercher le câble qu'on va accrocher au nez de l'avion. Pendant ce temps-là, le pilote, lui, est en train de fermer sa verrière. Il a les dernières ordres radio, le rapport entre le remorqueur et le pilote. On va attendre que le pilote lève son pouce. À ce moment-là, en bout d'aile, nous allons lever son aile. Le pilote de l'avion comprendra qu'il est prêt à décoller. On va attendre à ce moment-là que le câble soit bien tendu. Et ce sera prêt à décoller. Cette machine, c'est moi. Personne d'autre. Le cœur qui bat fort là-dedans, à la fois inquiet et heureux, va donner vie en plein ciel. Il appartient à mon sang, à mes veines, de prolonger ses ramures jusqu'aux extrémités des moindres nervures de la machine, qui ne sera plus ni métal, ni froideur, mais quelque chose de chaud, qui tremble dans l'ascendance, qui sue en altitude, qui grogne dans les chahuts de l'atmosphère, qui se repose allongé sur la plage d'un nuage, bras tendus, rêvant aux immensités. Il n'y a plus qu'un seul homme, qu'un seul cœur, qu'une seule angoisse décidée, qu'un seul but. Voler. Voilà, on accroche. On est prêt. Est-ce que le pilote est prêt ? Il a l'air d'être prêt. Voilà, il a essayé une dernière fois ses commandes, les commandes de profondeur, de direction. Le filin se tend. On va attendre pour lever l'aile que le filin soit bien bien tendu. Voilà, c'est presque fait. Pendant qu'un autre remorqueur arrive en second plan pour prendre un autre planeur, voilà, c'est tendu, il lève le pouce. L'aile racle un peu sur le sol. On ne lève pas encore l'aile. Pourquoi? On va attendre que l'avion ait dégagé. L'autre avion, voilà. C'est prêt. Voilà. Le remorqueur met plein régime. On court un tout petit peu en tenant l'aile. Voilà, c'est lâché. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, décoller. Décoller. Le remorqueur Commodore rampe 2 secondes de plus. L'empennage frétillant, il rougit sous l'effort. Puis, Rouspéter, rageant de ses 180 chevaux, il lève son nez d'ivrogne et s'accroche dans le ciel. La piste disparaît par la droite. L'horizon bascule. Je vole. Je vole avec la plénitude du calme retrouvé. Chaque geste, chaque mouvement de l'appareil s'imprègne de lenteur et d'harmonie. Le soleil saupoudre la ville d'une pluie d'or. La Loire est une coulée de vif argent. Ainsi, au XXe siècle, il faut prendre un peu d'altitude pour retrouver le pays de Ronsard. Je suis bien. J'ai mis la société, le monde en vacances. Je suis seul, maître et esclave. Je vis. Mon ombrelle est une verrière de cumulus gonflé, prêt à éclater. Comment, dans cette paix, imaginez seulement un instant que je pars en record. Cette tentative a quelque chose de dérisoire. Tout est trop grandiose pour tirer gloire d'une amélioration éventuelle de quelques kilomètres heure. Voilà comment l'échappée belle décolle, et avec nous en direct ici au studio, derrière le manche à balai, il y a beaucoup de monde, plus que dans un planeur où on ne peut être que deux maximum. Philippe Giancetto, vous êtes chef pilote adjoint au Centre National de Saint-Auban-sur-Durance, un centre donc qui forme des instructeurs pour le pilotage du vol à voile. Et Lionel Audouin, conseiller technique régional pour le vol à voile dans les Pays de Loire. Alors, est-ce que vous avez reconnu l'atmosphère de vos propres décollages? Ah oui, tout à fait. Je trouvais que c'était très très bien rendu. Et très très très bien fait, oui. Non, c'est pas pour chercher les compliments que je vous dis ça. Oui, non, c'est certain. On se croit vraiment en piste. On a vraiment l'impression qu'on va décoller. Et je trouve qu'on ressent bien l'ambiance avant décollage. C'est bien rendu. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout de suite expliquer le terme vélivol? Vous êtes des vélivols. Ça vient de quoi, Lionel? Vélivol, enfin, je ne suis pas très sûr de l'explication, mais enfin, les Italiens appellent le vol à voile à volo à vela, mais je ne sais pas, c'est peut-être par... Est-ce que ça tient au fait qu'il y avait de la toile au début sur les planeurs? Non, je crois qu'il y a eu toute une controverse à propos du mot vélivol. C'est toute l'époque d'Aviasport et de Raymond Siretta et du docteur Chalot, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et un jour, on a décidé que ce serait vélivol, à cause peut-être de l'italien à volo à vela, parce que c'est tellement joli. Eh bien, oui, vous êtes tout à fait d'accord sur... On ne s'est pas trompé, c'est ça, l'ambiance d'un terrain. Oui, tout à fait. Bon, oui. Alors, comme on va essayer de parler du vol à voile pendant une heure, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on essaie de voir aussi des témoignages, entendre des témoignages de personnes qui ont essayé de voler vers les années 30. Alors, nous allons nous rendre à l'aéroclub de l'Ouest à Angers. Et là, nous allons rencontrer un certain nombre de vieilles tiges, comme on dit. Je ne sais pas si ce serait très content qu'on les appelle comme ça. Et en particulier, l'ancien menuisier de l'aéroclub de l'Ouest, Paul Jeunesse, qui avait un nom prédestiné. On l'a surnommé Tonton la planche. Ça a commencé aux environs des années 30, ici, hein, avec les deux frères Bélanger. Et on avait un planeur, c'était ni plus ni moins une poutre, une aile et un empennage. Vous voyez, la simplicité même. Le pilote était assis, si on peut dire pilote à cette époque-là, était assis sur un petit siège absolument dans le vide. Comme les ULM, exactement. Bon, alors les premiers lancements se faisaient au Sandov, c'est-à-dire un gros filin de caoutchouc, et qui faisait peut-être 40 à 50 mètres, qu'on développait en V avec une équipe de chaque bout, le planeur étant au milieu du V, retenu par l'arrière. Et deux équipes tendaient le Sandor à fond, et au moment voulu, on larguait la sauterelle, qu'on appelle, c'est-à-dire le crochet arrière, et le planeur était propulsé comme, par, comme avec une fronde, ni plus ni moins. Alors naturellement, c'était le tout petit saut. Hein, ça, on faisait quoi ? On faisait peut-être 20 ou 30 mètres de vol proprement dit. Mais au tout début, pour commencer, comme il n'y avait pas de double commande, il fallait absolument voir comment les gouvernes faisaient obéir l'appareil, voyez-vous. Hein ? Alors on se mettait à ce moment-là dans le vent, on mettait l'appareil dans le vent, et c'était simplement le tenir en équilibre sur le vent, mouvement des ailerons. Hein, puis hein, c'était ça, hein, un point fixe, voilà comment. Et on commençait à le tenir dans le vent, parce que naturellement, n'ayant pas de double commande, tout le monde était novice dans la chose, quoi. Et puis après, on vous faisait faire une glissade, hein, avec le sandov, mais en poussant bien sur le manche, pour ne pas décoller, surtout pas décoller. Alors là, on prenait un autre axe, c'est-à-dire la direction. La direction plus les ailerons, c'est-à-dire dans le sens latéral de l'avion, du planeur. Puis alors après, c'est là qu'on a commencé à faire... Alors ça, cet appareil-là s'appelait un 11A. Hein, le 11A. Et puis alors après, on a commencé à faire le treuillage. Alors le treuillage, ça a été commencé par simplement une voiture dont on avait fixé une bobine de bois sur une des roues. Et on levait cette roue-là et on embrayait et on enroulait un câble qui, lui, tirait le planeur. Alors déjà, on avait une vitesse supérieure et beaucoup plus longue qu'un jet de sang d'eau. Et vous, ces essais différents, vous les avez vécus ? Ah, je les ai vécus, oui, absolument. Je vous dis, c'est aux environs des années 30. Dans ces années-là, le jeune Raymond Cronier était aussi sur le terrain d'Angers. Je me souviens, on était bien une dizaine. Avec un équipement, je me souviens, des bottes, parce que l'hiver, le terrain était détrempé, les voitures s'embourbaient, il fallait tirer les câbles à la main. Et quand nous étions passés 3-4 dans la journée... Voilà, une image simple. Entre le petit vol de 30 secondes, 45 secondes, et la préparation de ce vol, il y avait combien de temps ? Oh, c'est difficile, une demi-journée quelquefois. À l'époque, c'était des conditions donc très, très artisanales, des conditions d'apprentissage très progressives, et l'objet lui-même, le planeur, était constamment bricolé. Ben non, pas bricolé, mais enfin, il fallait faire quand même des réparations sérieuses. Hein. Mais il faut bien dire que on découvrait, personne n'avait vraiment volé sur des planeurs avant. À chacun, il y a eu des pilotes qui avaient des principes de vol, d'ailleurs qui ne sont plus ceux de maintenant. Et nous autres, tout gamins, parce qu'on était tout gamins, et on découvrait ça. Alors donc tout était à apprendre. Et naturellement, il y avait de la casse. Il ne faut pas dire des accidents graves, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors tout ça, on le sent bien, c'est la préparation. Vous prenez avec vos petits vélos, vous allez à la haie longue parce qu'il y a un petit peu de vol de pente. Et là, vous passez des journées entières dans la boue à essayer de voler, il faut bien le dire. Oui, à essayer de voler. D'abord, il fallait qu'en arrivant, que le vent soit sur la bonne pente, soit orienté sur la pente, ce qui n'était pas toujours le cas. Georges Marenne faisait aussi partie de cette jeune bande de joyeux vélivoles. Après la guerre, c'est l'aviation populaire sous une autre forme qui se manifestait. À cette époque-là, plus de 20 planeurs ici sur le terrain d'Avrillé. Et en 1945, la libération étant acquise, il a fallu d'abord remettre l'aérodrome en état. Et c'est là que tous les gens qui s'étaient confinés pendant 5 ans et qui étaient des passionné en naissance, René Hersant est arrivé en novembre 45 ici. Il fallait un lieu de réunion. C'était à l'école des arts et métiers ici, dans un amphi qui était normalement prévu pour au maximum une centaine de personnes. Il s'est retrouvé devant 200 candidats dans les années 45 à 50. Il a fallu refaire les écuries. Il y a eu donc tout le matériel récupéré en Allemagne et qui a servi à l'évolution du matériel français. Le planeur C-800 avait été déjà conçu avant la guerre par Raymond Jarlot, que j'ai eu comme patron d'ailleurs chez Breguet, et il a été construit en nombre considérable, je crois qu'il y en a eu plus d'une centaine, et c'est là que les 70 centres, y compris les 4 centres nationaux de Val-à-Voile, Pont-Saint-Vincent, Châles-les-Eaux, la Montagne-Noire et Saint-Auban, ont été pourvus de ce premier matériel, les centres nationaux bénéficiant du matériel biplace allemand. Et c'est là qu'a commencé l'instruction en vol biplace sur le C-800 ou pour certains, les centres nationaux, les planeurs allemands, Kranich et autres. Actuellement, le parc des planeurs français est à au moins à 80, pour ne pas dire 90% de construction allemande. C'est la France et c'est Breguet et Jean Cayla qui a conçu les premiers planeurs à conception plastique. Ils n'étaient pas tous plastiques, mais il avait des techniques révolutionnaires où j'ai le souvenir d'avoir entendu des gens l'accuser. Tu as 10 ans d'avance, et il avait répondu très modestement en tant que d'origine normande, bien qu'ayant fait son école ici en 1946 sur le terrain d'Avrier. Il avait répondu « Faites bien attention de ne pas prendre 20 ans de retard, et bien c'est ce qui se passe ». Eh bien voilà, je crois que nous sommes au cœur du problème. Nous sommes où en est le parc de planeurs français? Est-ce que nous sommes dans la construction des planeurs? Est-ce que nous sommes 10 ans en retard? On se souvient effectivement que Jean Cayla, c'est lui qui avait inventé le planeur Edelweiss. Alors, où en sommes-nous, Lionel Audouin? Eh bien, petit à petit, on rattrape le retard, parce que c'est vrai, comme le disait notre collègue, là, il y avait quand même 10 ou 20 ans de retard. Mais des constructeurs français ont fait des efforts, de gros efforts, même avec la participation de grands constructeurs tels que Dassault, tels que des offices de recherche tels que l'ONERA, pour construire des planeurs très performants. Des planeurs qui sont allés aux championnats du monde récemment et qui ont fait des résultats, il ne faut pas le nier. Des planeurs qui sont diffusés à des centaines d'exemplaires maintenant. On dispose de combien de planeurs dans le parc français aujourd'hui, là? En gros, hein, on ne va pas donner des chiffres. Oui, de l'ordre de 15 à 1600 planeurs. Bon, et combien sont français? Nous pouvons dire, il y a peut-être 700-800 planeurs français, quand même. C'est pas... On n'est pas à la traîne, quand même. Philippe Giansetto, ce qui est intéressant quand on a écouté ces braves gens, qui étaient d'ailleurs, ils étaient fascinés et par le micro, et aussi, ils avaient leur carnet de vol, ils m'ont montré leur carnet de vol, n'est-ce pas, Marie-Hélène Frey, oui, c'était avec nous. Oui, écrit à la plume sergent-major. Alors, quand on va sur un terrain moderne aujourd'hui, sur une plateforme moderne, on voit ces planeurs extraordinaires, et quand ils nous racontent comment ils volaient sur des bouts de bois, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vraiment, le vol-à-voile a fait un bond formidable. Ça correspond à quoi, finalement, ces bouts de bois, par rapport à aujourd'hui, là? Alors, il y a une différence considérable entre les machines actuelles et les anciennes, les vieilles machines dont on a entendu parler, c'est certain. Mais il faut dire aussi qu'il y a des études, d'importantes études qui ont été faites. Maintenant, on ne vole plus sur des bouts de bois, on vole sur des bouts de plastique. Oui, c'est quand même une révolution. On pourrait peut-être les décrire, ces planeurs, parce que quand on les voit, la première fois que j'en ai vu, je veux dire qu'on ne les distingue pas véritablement quand on n'a pas du tout l'œil autorisé. On ne les distingue pas vraiment d'un petit avion. Ça ressemble à des grands oiseaux blancs. C'est en plastique, effectivement. C'est en plastique, c'est souvent blanc. Il y a très peu de planeurs de couleur, on peut peut-être le remarquer. Pour des raisons précises? Oui, pour des raisons d'échauffement, parce que le planeur est évidemment toujours au soleil, donc on le met avec une surface blanche. Il y avait des problèmes avec les couleurs de fatigue du plastique, entre une couleur rouge par exemple, absorbante, si vous voulez, c'est couleur blanche. Voilà, c'est ça. Les couleurs blanches renvoient le rayonnement, les couleurs rouges ou autres les absorbent. Si le planeur est tout bariolé, il y a des différences de température considérables sur toutes les surfaces, et ça peut créer des déformations permanentes et surtout des fatigues. Alors c'est très beau, c'est très lisse. Et vous m'avez dit l'autre jour, Lionel Audouin, quand nous avons volé ensemble, on en parlera peut-être tout à l'heure, que par exemple, les ailes, qui ont une courbure extrêmement, extrêmement douce et belle, les ailes doivent être parfaitement impeccables. Il faut qu'elles soient absolument pas sales. C'est à ce point de précision? C'est à ce point. Par exemple, vous verrez tous les vélivoles, puisque parlons des vélivoles, des pilotes qui font du vol à voile, s'ingénient tous les soirs à effacer tous les moucherons qui se sont collés sur le bord d'attaque. Parce que chaque moucheron grossit le profil du planeur. C'est comme l'eau, par exemple. Si on reçoit de l'eau sur le profil, eh bien on a un profil, on pourrait dire, pustuleux, qui pénètre beaucoup moins bien dans l'air. J'ai une impression tout de même, c'est que quand on écoute ces anciens-là, qui ont découvert l'art du pilotage tout seul, j'ai l'impression tout de même qu'avec l'évolution des machines et la technicité des machines, il y a aussi la technicité des pilotes qui a évolué. C'est-à-dire qu'on ne pilote plus aujourd'hui comme on pilotait il y a 20 ans, et encore forcément à 50 ans. Est-ce qu'il y a, il paraît que les principes de vol sont différents. Oui, voilà, c'est ça, parce que piloter, on pilote toujours pareil, on a toujours un manche et un palonnier, les actions sur les gouvernes sont toujours les mêmes. Par contre, en ce qui concerne le principe, le but du vol, surtout, le but d'un vol aujourd'hui n'est plus du tout le même que le but d'un vol il y a 50 ans. Il y a 50 ans, l'intérêt, c'était de rester en l'air, il fallait trouver un endroit où ça monte, et puis on restait, et on était plutôt intéressé par des épreuves de durée. Actuellement, le vol à voile moderne s'oriente, et s'est orienté déjà, vers la recherche des performances. Alors. N'allons pas trop vite, parce que nous avons tout le temps d'en parler. Peut-être qu'on pourrait essayer de voler un petit peu maintenant. On va repartir un petit peu en l'air. Absolument. Mais moi, il y a une dernière question quand même que je voulais poser, puisqu'on parle de l'histoire et de l'évolution du planeur. Est-ce que les conditions de sécurité ont évolué considérablement? Parce qu'il y a quand même une vieille réputation de danger. Quand vous dites « je vais aller faire un vol en planeur », il y a un certain nombre de gens qui vous disent « ah, tu vas faire ça, c'est dangereux ». Alors, qu'en est-il aujourd'hui, Philippe Gianceto? Ça, c'est la sécurité, effectivement, c'est un gros souci. C'est un souci qui concerne, je pense, tous les vélivoles. Et c'est un souci qu'on met en application pratiquement à tout instant dans notre vol. Tout à l'heure, on a écouté un petit enregistrement avant le vol, là, et on a parlé d'une visite pré-vol. Ça, si vous voulez, c'est le petit 1 de la sécurité, c'est la vérification de l'état général de la machine, du bon fonctionnement de tous ces éléments qui la composent, et de tous les instruments dont on va avoir besoin au cours du vol. Maintenant, la sécurité, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, parce que ça inclut aussi ça concerne le pilote à tout instant de son vol. Alors, il y a des interactions avec la personnalité, avec pas mal de choses. Puis un mot qui revient toujours en préparant un vol, c'est mesurer ses risques. On mesure ses risques. Oui, enfin là, je suis pas tout à fait d'accord avec votre expression, parce que mesurer un risque, ça veut dire qu'on en prend. Or, le but, et on s'efforce de faire que ce soit comme ça, c'est qu'il n'est pas question de prendre un risque en l'air. On fait une prise de sécurité plutôt, c'est une démarche inverse. Hein. Alors je pense qu'il faut pas employer ce terme-là. Mais disons, pour simplifier, qu'un pilote bien formé, qui connaît bien sa machine, qui connaît bien l'aérologie, on en parlera tout à l'heure, je pense, ne prend pas de risque. Mais en termes de statistiques, il y a eu une amélioration au cours des 30 dernières années, en termes d'accidents. Si vous voulez, on peut parler en termes d'assurance. Par exemple, les sports sont classifiés en risque, donc, ce qui vont de 1 à 4, en ordre croissant, et le vol à voile est classé 3, enfin, dans la catégorie 3. Derrière, en 4, il y a l'alpinisme, il y a des sports... pas comme le parachutisme aussi, non, mais c'est pas un critère. On pourrait peut-être ajouter un petit quelque chose là sur cette histoire-là de risque ou de sécurité. C'est à mettre peut-être un peu pour excuser nos anciens. C'est vrai qu'autrefois, ils cassaient quand même pas mal de machines, mais comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ils découvraient le principe du vol à voile. Bon, Noël, tu peux y aller. Oui, où veux-tu aller, n'importe où? Tu nous tires vers la Beaumoise un peu haut. Ok. Alors tu vois, le câble est tendu, il met les gaz. L'aide nous tient l'aile pour l'instant, tu vois. Il l'a lâché. Maintenant, la vitesse de l'air est suffisante pour qu'on puisse maintenir le planeur en équilibre sur sa roue, tu vois. Les ailes horizontales et derrière le remorqueur. Regarde, 80 km/h à l'heure. Hop, je tire légèrement sur le manche en étant l'air, la mienne aussi. Voilà, alors tu vois, toute la phase de remorquage, maintenant... C'est un jeu, si tu veux. On va voler derrière le remorqueur. Hein. Tu vois? Je mets en gros l'avion sur l'horizon. Tu vois? On appelle ça l'étagement. Hein. Et puis regarde. Je le suis, ben je le suis. Pour le suivre, il suffit que je maintienne la même inclinaison que lui. Tu vois, là, il est en train de s'incliner légèrement. Je prends la même inclinaison que lui et tu vois, on est toujours impeccablement aligné derrière. Alors tu vois, on vole à 100, 140 km à l'heure en moyenne. On monte à 2 mètres par seconde. Et on est déjà à 750 mètres d'altitude là. Alors regarde tes petits cadrans là, tu vois, le variomètre. Tu vois, il indique entre 4 et 5 maintenant. Là. Tout à l'heure, il était à 2 mètres moyen, maintenant il est à 4 mètres. Tu vois. Oui, d'accord. Bon, ben, ça veut dire qu'on est en train de passer dans une ascendance. Là. Le développement d'un art ou d'un sport reste souvent attaché à la personnalité et au talent de certains hommes. René Hersant, le patron, comme on disait, était de ceux-là. Sous son influence, le vol à voile devient un sport de compétition. Jean-Claude Penaud, champion de vol à voile et pilote de ligne, est l'héritier moral d'Hersant. Il raconte une de ses courses types, un circuit en triangle au-dessus du ciel angevin. Le circuit le plus classique, c'est le triangle. Pourquoi ? Eh bien, lorsqu'il s'agit de choisir des points de virage, choisir deux villes, et en particulier, par exemple, deux aérodromes comme point de virage. Sur ces aérodromes, on choisit deux points précis. On décolle avec un appareil photo. On a préalablement photographié panneau. Oui, alors précisons justement. Le vol à voile, c'est aussi la volonté de faire quelque chose. C'est un pari, c'est un petit peu comme au tarot. On ne part pas comme ça. On décide de faire exactement, quelque chose. En fonction. Non, c'est important parce que dans le vol à voile, généralement, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, vous allez partir. C'est pas du tout ça le vol à voile. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas un jeu de hasard. On décide en fonction des informations météo et puis de l'intuition personnelle, de l'expérience qu'on a. On connaît bien sa force. On sait en gros à quelle moyenne on tourne en fonction de l'état du ciel, le vent et les conditions, la machine qu'on va nous prêter. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de faire un circuit, on dresse un panneau qui est signé par le chef pilote, oui. On prend une photo. Pourquoi on prend une photo ? Eh bien, pour prouver que l'on a décidé de faire, par exemple, Angers, Cholet, Saumur, Angers. Et on le trouve sur le négatif à la suite. Alors ensuite, il suffit de faire les photos dans l'ordre prévu. Et on identifie le film à la suite. Alors bien sûr, on ne découpe pas la pellicule. Les photos sont bien numérotées dans l'ordre, parce que ça prouve qu'on a bien fait Cholet avant de faire Saumur. C'est ça. Alors, on a pris cette photo de panneau, on décolle, on fait ce qu'on appelle la première branche du circuit. C'est ça. Alors, bien sûr, il y a des points hauts, des points bas, il faut naviguer. Enfin, tout le problème complexe de la navigation sans moteur, parce que, en fait, plus compliqué que l'avion, le planeur, pour prendre son altitude, pour prendre son énergie, il tourne en rond. Alors, en tournant en rond, la spirale, vous pouvez perdre le nord. Et la navigation est de ce fait difficile. Et c'est un sport qui vraiment développe le sens de l'orientation. Et puis il y a la sécurité aussi, il y a le plancher aux vaches en bas. Alors il ne faut pas aller aux vaches. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas aller aux vaches. Ou tout au moins, si on y va, il faut y aller très, très en sécurité. Alors ça se prépare de haut, ça. En général, lorsqu'on arrive à 500 mètres, on ne regarde plus trop les nuages, mais on commence à regarder par terre le beau champ de maïs, ou le champ qui vient d'être fauché, ou la belle prairie en bordure de rivière, etc. etc. Et puis, si on est un peu flemmard, on regarde s'il n'y a pas une ligne de téléphone pas trop loin pour ne pas marcher trop aussi, longtemps. Aussi, alors ça, c'est pour quand on a un petit peu plus d'entraînement, effectivement, on s'arrange pour avoir la route à proximité du champ, la ferme et de préférence la ligne téléphonique. On arrive à la pointe du premier virage. Donc, la première branche du triangle. Alors là, il faut prendre une photo, donc. Alors là, ça se corse, parce que si prendre une photo au sol, c'est facile. Mais très souvent, tout le monde a fait l'expérience de l'appareil photo qui n'avait pas de pellicule. Ou alors, on a bougé. Ou alors, on n'avait pas mis le bon diaphragme, etc. Eh bien, en planeur, ces problèmes sont un peu plus ardus, puisqu'en fait, il faut continuer à piloter. Alors, il faut bien arriver au-dessus, dépasser le point de virage, ne pas se mettre trop loin sans s'en verrer rien sur la photo. Si on est trop près, on va être obligé de s'incliner à 90 degrés et le planeur va tomber sur la tranche. Non, il faut trouver une distance respectable, en général 1 ou 2 km derrière. Oui, et on bascule, ouvre la petite fenêtre, on tient bien l'appareil photo, bien sûr, il ne faut pas le larguer. Je connais des camarades qui ont lâché l'appareil photo. Alors bien sûr, la preuve du point de virage, si on retrouve l'appareil photo, on l'a. On peut dire aux auditeurs que si un jour ils volent et qu'ils font cette expérience, ils ont intérêt à monter au moins à 2000 mètres parce qu'on perd au moins 1000 mètres pour cette tentative. Oui. On a pris la photo. Deuxième branche, eh bien, on met le deuxième cap vers, on a dit que c'était Cholet, le premier point de virage. Eh bien, on met le cap sur Saumur. Alors là, c'est facile. Il y a une route. On suit la route. Ah, il y a une route. Faut pas se tromper de route, bien sûr. C'est... Mais une fois qu'on a fait le lever de doute, normalement, on doit voir Saumur au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, se pointer et on va faire l'identifier avec la Loire et tout ça. Et puis, il y a un château qui est très beau. Parce que n'oublions pas le tourisme dans le Val-à-Voile. Un beau château, l'école de cavalerie, et c'est sûr, c'est magnifique. Là, on a pris le château en photo, j'espère, vraiment sur le terrain. Oui. On reconnaît le château. En fait, quand on fait un circuit pour débutants, on photographie les aérodromes. Parce que la photo pose quelques problèmes. Donc, si on est sur un aérodrome, après tout, ça se supprime. D'accord. Et il y a la dernière branche du circuit de vitesse, parce qu'on est en train de faire un circuit de vitesse en ce moment. Alors, c'est-à-dire qu'on pointe, on met le cap sur Angers, qu'on ne voit pas, qui est dans les brumes. Dans la région Saumur-Angers, il y a la Loire sur la gauche, c'est très commode. Oui. Et là, il faut calculer son arrivée. C'est vraiment le voilà, oui, bien sûr. Un beau circuit, ça se termine par une belle arrivée, c'est-à-dire choisir un bon angle. Et puis, dans les derniers 10 kilomètres, c'est très juste parce qu'en fait, cet angle est très plat. Donc, il faut se passer la ville d'Angers à basse altitude, mais en contrôlant son potentiel d'altitude. Et il faut pas louper. Alors, bien sûr, si on loupe, on a des petites ressources. On dégage à droite dans l'île Saint-Aubin, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est effectivement un moment excitant du circuit. Parce que c'est là le seul moment où on a des impressions de vitesse. C'est ça. Et pour le public qui est sur le terrain et pour les camarades qui sont sur le terrain, c'est aussi un moment très important parce qu'on a tous les regards fixés sur l'horizon et on voit l'horizon très bas sur l'horizon généralement. On voit une tout petit trait blanc, on dit « il rentre ou il rentre pas ?»« Il rentre ou il rentre pas ?»« Il rentre ou il rentre pas ?» Effectivement, l'arrivée, c'est la récompense parce que, bon... Chaque pilote se prend une petite réserve d'altitude. Et la réserve d'altitude en plein air, lorsqu'il faut la dépenser, la consommer, on la transforme en vitesse. Voilà. Alors ça fait un magnifique passage au ras des pâquerettes, à 250 km/h maintenant avec les machines modernes. Certaines vont même un peu plus vite. Et là, une magnifique ressource qui n'en finit pas. On remonte jusqu'à 150 mètres et on fait un grand tour de terrain avant de se poser. C'est là, la récompense. On a décrit un circuit type. On imagine que pendant les 8 jours d'Angers, ce genre de triangle s'est multiplié par combien de planeurs ? On a eu jusqu'à 97 partants. Et par la suite, on a limité à 70-80 pour des raisons de sécurité. Mais on a eu jusqu'à 97 partants. Et quelquefois, pratiquement tous les pilotes rentraient. Et sur des circuits qui n'étaient plus des circuits de 150 km comme celui qu'on vient de décrire, mais nous avons atteint des circuits de 700 km. Alors le nuage est bien noir, il y a des belles barbules toutes noires de nuage. Là. En principe, il y a 1 mètre, 2 mètres de montée. Et la crête, elle est à combien en dessous de nous, là ? À 2000 mètres. Je veux dire que j'aimerais qu'un auditeur soit à ma place parce que vraiment, c'est splendide. Il ne manque plus que des chèvres au sommet de ces crêtes, là. Oui, on devrait les voir. Il y a un planeur qui se met en virage, qui nous indique d'ailleurs, il nous balise l'ascendance. C'est un décor sublime. Et donc, mais là, le sommet de la montagne est tout près, là. Et là, en plus, on descend à 2 mètres secondes. On va un petit peu dessous la montagne pour prendre le vol de pente, pour remonter et rejoindre... on la sent à gauche. Je sens mon aile à gauche. Ah oui, les marcheurs qui font la montagne. Nous, on est proche de la crête de la montagne. On sent l'aile à gauche, vers le sud, qui a envie de monter, non ? Oui, mais c'était pas très très fort. C'était pas très très fort. Et qu'est-ce qu'on fait, là, quand on a la montagne à droite, là ? Oh, et ça monte. Oh, on le sent, c'est l'ascenseur. Oh, c'est fort, là. Dans cela, le paradis, pensa Jonathan. Il ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Il était sans doute assez irrespectueux d'analyser le paradis au moment même où il y était conduit. Comme il s'élevait de la terre, montant dans les nuages en formation serrée avec les deux oiseaux brillants, il constata que son propre corps devenait aussi radieux que les leurs. Et pourtant, le jeune Jonathan Le Goéland, qui avait vécu derrière ses yeux dorés, était toujours présent, car seule son enveloppe extérieure changeait. Il se sentait toujours un vrai goéland. Mais déjà, il volait beaucoup mieux que son ancien corps n'avait jamais volé. Oui, pensa-t-il. Je suis persuadé qu'avec un effort moindre, je pourrais doubler ma vitesse et accomplir des performances deux fois supérieures à celles réalisées lors de mes plus beaux jours terrestres. Ses plumes étaient désormais d'une éclatante blancheur, et ses ailes lisses et parfaites comme des voiles d'argent poli. Heureux, il se mit à étudier leurs réactions afin d'en utiliser au mieux les forces nouvelles. À 320 km à l'heure, il sentit qu'il approchait de la vitesse maximale de son vol en palier. À 400, il estima qu'il était impossible d'aller plus vite. Il en fut un peu chagrin. Il y avait donc une limite à ce que son nouveau corps pouvait accomplir. Et bien que son ancien record fût pulvérisé, il était tout de même une frontière qu'il ne ferait reculer que moyennant un grand effort. C'est injuste, pensa-t-il. Il ne devrait pas y avoir de telles limites au paradis. Extrait de Jonathan Livingston, de Richard Bach, qui connaissait la musique puisqu'il était pilote. Et on sent bien, je crois, le prolongement du pilote qui est le planeur, on peut le dire, ça, sans se tromper, Philippe. Oui, tout à fait, oui. Bon, alors, on a volé avec vous tout à l'heure, et vous dites, oh là là, ces petits craquements, il faut que j'explique ce que c'est, parce que... Alors, c'était quoi ces petits craquements dans le Janus? Oui, les petits craquements, là, on entend... C'est un peu surprenant, ça peut surprendre. On a l'impression que c'est le planeur qui casse. Pas du tout. Hein. C'est de la faute à Rigoni, la prise de son qui est derrière. Tout à fait. Qui est derrière la vitre. Alors, en fait, c'est le joint de verrière. Il manquait un petit peu de paraffine, certainement. Et le bruit est un peu amplifié par la prise de son. Et j'en veux pas aux techniciens. Hein. Mais il y a tout de même un léger sifflement. Hein. On n'a jamais le silence complet dont on pourrait rêver quand on plane comme ça parmi les nuages. Non, il y a toujours un petit... Si on avait un silence parfait, ça serait extraordinaire, parce que ça veut dire que le planeur plane de façon merveilleuse. Il n'y aurait pas de fuite, il n'y aurait pas de... Et à ce moment-là, on peut justement parler de la finesse des planeurs. La finesse serait améliorée. Oui, Jean-Renaud Fallieu, vous voulez dire quelque chose? Oui, on a parfois le silence complet. C'est juste au moment où le planeur va décrocher. Oui, parce que c'est sympathique. Voilà, juste au moment où le planeur va faire une abattée, là, on n'entend plus rien du tout. Le bruit, en fait, c'est le déplacement qui crée ce bruit. On peut guère... Il y a une chose qu'on a vraiment comprise à présent, c'est qu'un planeur, c'est pas uniquement pour rester au-dessus du terrain qui est son nid. Maintenant, le vol à voile, grâce aux machines nouvelles qui sont hyper performantes, Oui, il y a une grande différence. Par exemple, moi, j'étais lâché en solo dans les années 70. J'ai été lâché sur un Nord 1300. C'était des appareils fabriqués dans les années 40, 35-40. En Allemagne, et qui avait une finesse, Philippe le rappellera tout à l'heure, une finesse de l'ordre de 15 à 20. Oui, on l'appelait fer à repasser. Le fer à repasser, tout à fait. Et hier, j'ai volé sur un Imbus 2. Oui. Un Imbus 2, ça a 50 points de finesse. J'ai volé à 3000 mètres. On va en faire un cours. Monsieur l'instructeur, qu'est-ce que c'est que la finesse d'un planeur? La finesse est un rapport. C'est le rapport de la distance parcourue sur la hauteur perdue. Pour donner une petite idée, si vous perdez 1000 mètres de hauteur, c'est-à-dire 1 km, avec un planeur moderne, vous allez faire en moyenne 40 km en distance. Oui. Alors, ces chiffres, ils sont un peu bruts, là. C'est difficile à voir ce que ça représente. Mais on peut vous donner un petit exemple. Si vous lâchez une boîte d'allumettes, vous le mettez une boîte d'allumettes à bout de bras, vous la lâchez, elle va tomber au pied. Bon, finesse, zéro. Hein. C'est évident. Si vous lâchez un petit planeur en papier, comme on en a tous fait, votre planeur, il va aller à 6 mètres devant vous, 5-6 mètres. Bon, eh ben, il a une finesse de 3 et puis il a un angle de planer de 20 degrés, ce qui est abominable. Et si vous prenez un planeur moderne, en admettant que vous soyez suffisamment fort pour le tenir au bout de votre bras, c'est-à-dire à 2 mètres de haut, en gros, et si vous arrivez à le lâcher, il va parcourir 80 mètres. Oui, c'est formidable. Au départ, au bout de votre bras, il va toucher le sol 80 mètres devant vous. En même temps que le sol soit plat, évidemment. Un planeur moderne, ça pèse entre 300 et 500 kilos, quand même. C'est-à-dire que vous soyez costaud. C'est-à-dire que pour chaque mètre perdu, il va en faire 40 en horizontal. Oui. Alors, ma deuxième question. Il y a des moments où ils montent aussi. Ah oui, mais justement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est aussi important? Eh bien, ça vous permet d'avancer. Ah. Alors, je voulais finir cette petite histoire de finesse. Il y a quelque chose peut-être qui parlera mieux, c'est l'angle de planer. Je vous ai dit, le petit planeur en papier, là, il va avoir un angle de planer de 20 degrés à peu près par rapport à l'horizontale. Ça veut dire que, par contre, un planeur moderne, lui, il va avoir un angle de planer compris entre 1 et 2 degrés. C'est pas mesurable à l'œil, en tout cas. Hein. Ouais, il suffit de faire un rapport. Hein. Vous prenez 1 cm, et vous en prenez 40 et vous tracez la diagonale entre les deux, l'hypoténuse, je crois. Et bien, ça va donner ça. C'est-à-dire un trait. On a l'impression que le planeur ne descend pas. Quand il est dans de l'air absolument calme, et puis quand il est dans de l'air agité de mouvements verticaux, eh bien, il suffit que les mouvements verticaux soient plus forts que son taux de descente à lui, et puis ça se passe bien. Et naturellement, comme ce planeur très fin va glisser le mieux possible dans l'air, on pourra faire davantage de distance avant d'attraper, de trouver ce qui est l'énergie du planeur, le thermique. Alors, voilà, le thermique, c'est son moteur. Voilà, c'est ça. Le thermique, ce qu'on appelle un thermique dans notre jargon, c'est une colonne d'air ascendante ou une bulle d'air ascendante. Je crois qu'il y a une petite image pour montrer un thermique. Qu'est-ce que c'est? C'est une montgolfière, mais sans l'enveloppe. Vous enlevez la publicité auto, et puis votre bulle d'air, elle monte quand même. On ne la voit pas forcément. Et dans le planeur, nous, on la ressent. C'est-à-dire qu'on va la voir, soit on la ressent parce que, comme... on l'a entendu tout à l'heure, on sent que ça monte, et puis aussi parce qu'on a des instruments, variomètres, etc., qui vont nous dire que hop, notre planeur, au lieu de continuer à descendre, se met à monter. Et c'est provoqué par quoi, cette colonne d'air ascendante? Alors, la colonne d'air, c'est un petit peu compliqué à expliquer dans le détail, mais disons que d'une façon générale, il y a un échange d'air qui se fait entre le sol, qui est chauffé par les rayons du soleil, et la masse d'air. Mais la masse d'air ne s'échauffe pas partout pareil. Si vous prenez un sol humide, il aura tendance à garder la chaleur pour lui, ne serait-ce que pour faire évaporer son humidité. Si vous prenez un sol sec, lui, il va s'échauffer, et c'est l'air, il va échanger sa chaleur avec l'air. Alors, dans ces endroits-là, il va se former des espèces de petites bulles, des petites montgolfières, et puis elles vont, quand la différence de température entre cet air chauffé et l'air ambiant sera suffisante, la petite montgolfière va décoller, la bulle d'air va partir. Pour la bonne raison, une raison physique, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Et alors vous avez une indication pour savoir quel est l'état des courants ascendants, les nuages, c'est l'état du ciel? Oui, bien sûr. Les nuages, pour un thermique... C'est pas toujours vrai, parce que quelquefois, comme quand nous avons volé, il n'y avait pas du tout de nuages, mais par contre, nous arrivions quand même à monter. Oui, alors il y a une deuxième technique de vol, il y a une deuxième forme. Non, c'est-à-dire que l'air est plus ou moins humide, et lorsqu'il est très humide, au sommet de cette colonne d'air chaud, il y a une condensation, ça forme un nuage. Lorsqu'il n'est pas assez humide, il n'y a pas de condensation. Mais l'ascendance est quand même là. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années sur les ascendances et sur le vol. Alors, il y a d'autres formes de vol. Pas formes de vol, je veux dire d'autres conditions aérologiques pour pouvoir voler et aller loin. Donc, il y a quand même un intérêt important en planeur, c'est monter. Donc, il faut trouver les zones de montée. Alors, il y en a plusieurs, c'est sûr. Il y a donc les colonnes d'air ascendantes. Il y a ensuite les pentes, c'est-à-dire, quand je pourrais vous expliquer ça peut-être en détail tout à l'heure. Et puis, ce qu'on appelle les mouvements ondulatoires. Très bien. Alors, si vous voulez bien, puisqu'on sait maintenant qu'on fait des circuits de 100, 200, 300, 500 km, je voudrais qu'on accède à cette nouvelle forme de vol à voile, plus ou moins le vol à voile de voyage, qui a été créé par Jean-Claude Penaud, qui s'appelle la Transeuropéenne. On l'écoute, Jean-Claude Penaud. La Coupe d'Europe et les 8 jours d'Angers, j'y ai personnellement participé, puisque j'ai commencé le vol à voile très jeune, ça m'a passionné, et puis le patron m'y poussait. J'ai participé à la Coupe d'Europe une quinzaine de fois. J'ai eu beaucoup de plaisir dans ce genre de compétition. Mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que, comme la Formule 1, on tournait en rond. Et moi, ce qui me tentait plus, c'était le voyage. Après tout, je fais un métier de voyage. Eh bien, je me suis dit, les planeurs sont tellement performants maintenant, l'Europe est à nous, on doit pouvoir organiser un grand voyage en Europe avec plusieurs copains. Et puis l'influence, c'est un petit peu l'idée de la Transat avec les bateaux. C'est pas énervant pour les pilotes de vol à voile de voir que la télévision ne parle que des bateaux qui traversent l'Atlantique. Et puis C'est pas énervant. On se sent un petit peu frustré, on se sent un peu trop discret. Mais disons que c'est notre rêve qu'un jour on parle vraiment du vol à voile et de ce vol à voile du voyage. Parce que c'est tellement riche. Si on peut comparer à une transatlantique, les planeurs lorsqu'ils traversent les Alpes, lorsqu'ils traversent l'Allemagne, lorsqu'ils vont en Espagne en sautant les Pyrénées, vous rendez compte tout ce qu'on peut raconter sur un tel voyage? Les points bas, quand vous faites des points bas sur le Rhin, quand vous faites, une transition entre Munich et l'Autriche. Mais c'est extraordinaire. Alors, comment se passe cette randonnée à travers l'Europe? Parce que tout de même, faut pas imaginer que l'air et l'atmosphère est libre, mais il y a des lignes aériennes dans tous les sens. Bien comment sûr, faire, alors l'espace aérien est très complexe. C'est un parcours à chicane. Eh bien oui, si vous voulez, sur la carte, le parcours est très simple. Ce sont des lignes droites. Mais dans la réalité, on doit éviter les zones interdites, les zones dangereuses, et il y en a beaucoup. Si vous voyez, par exemple, les zones de tir des terrains militaires. On n'a pas le droit de pénétrer si elles sont en activité. On n'a pas le droit de passer dans la région d'Orly. On n'a pas le droit de passer dans la région de Roissy. Bon, ça veut dire faire attention à tout ça. Donc ça demande une grande préparation, une grande documentation. Ça, c'est complexe. Effectivement, la transeuropéenne s'adresse à des pilotes confirmés. Bon. Mais à côté de ça, c'est une expérience fantastique. Pourquoi? Parce que chaque matin, c'est l'aventure. L'aventure, elle est due à quoi? Elle est due à la météo qui change. En fait, c'est le ciel qui décide. Le pilote décolle, mais il ne sait jamais. Enfin, il en a une petite idée avec la météo, mais vous savez que la météo, ce n'est pas une science exacte. Eh bien, chaque matin, il ne sait jamais où il sera le soir. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il vit avec un planeur pendant 15 jours, du matin au soir. Et avec une équipe. Il y a une équipe d'assistance qui le suit. Alors ça, c'est extraordinaire. En plus, on va chez les autres. On va rencontrer des clubs allemands qui ont des méthodes de travail, enfin, ou des méthodes de loisirs différentes. Ils voient le vol à voile différemment. On va en Autriche, on va en Suisse, on va en Italie. Et partout, partout, on est reçu à bras ouverts. En fait, cette compétition, c'est une compétition de l'Europe. Ok. On va se poser face au sud. Comme ça, le vent vient du sud, de sud-ouest. Tu vois, on va faire ce qu'on appelle une branche vent arrière. Alors, je prépare ma machine pour l'atterrissage. Le train est sorti. Le train est fixe là-dessus, c'est très bien. Voilà, je mets les volets comme il faut. Je m'annonce à la radio. Ça me fera hôtel en fin de vent arrière. Allez, numéro 1, le vent de 230 pour 8 à 19. Voilà, on passe dans ce qu'on appelle en base. Et on s'aligne, tu vois, l'axe de la toute petite piste en dur là-bas au bout, là. Voilà. Alors, on va prendre 100 km à l'heure. Ce sera notre vitesse d'approche. Voilà, on se rapproche du sol, tu vois, là on est à une dizaine de mètres de haut à peu près. Plus que 5. Voilà, je fais ce qu'on appelle un arrondi, tu vois, je tangente le sol. Et voilà. C'est une journée où on trouve d'excellentes conditions aérologiques, c'est-à-dire des plafonds élevés, une grande fréquence d'ascendance et des variomètres, c'est-à-dire des vitesses ascensionnelles puissantes, de l'ordre de 4 ou 5 mètres par seconde. Je suis de Bordeaux, SOCAT, oui. Et mon nom c'est Michael F. Aujourd'hui j'ai fait 4h50 de vol en me promenant sur les crêtes, dont les trois évêchés, ouais. Au terrain. C'était beau? Ah, magnifique. C'était bon? Très très bon. Vous avez passé une bonne nuit alors? Oh, je crois, oui, parce que ça fait 3 jours que je fais le même style de vol. Et là, ce soir, je crois que je ne vais pas me laisser bercer. Je m'appelle Laurent Sanson et je vole à Orange, pas loin d'ici, dans un club militaire. Je vole depuis 4 ans et bon, bah, j'ai commencé dans un club militaire et puis de section en section, j'arrive ici à Orange depuis un an. Alors je vole à Orange et Saint-Rémy-les-Alpiques, un club qui est assez connu par les villes vol. On a atteint 3600 mètres sur les hauts reliefs du côté du Bouillonsonnet. Mais pas dans les nuages? Pas dans les nuages, on n'a pas le droit dans les nuages. Il est 8h du soir, la nuit est tombée pratiquement, pas tout à fait. Et puis on est dans la salle de briefing, on attend. On attend pourquoi? On attend parce qu'il y a un planeur qui n'est pas rentré encore et qui ne nous a pas donné de ses nouvelles. Et on attend quoi. Alors il peut y avoir plusieurs choses, soit qu'il est en panne de radio et qu'il est en arrivée. Dans ce cas-là, on ne peut pas le contacter. Soit il est vaché quelque part, et dans ce cas-là, on attend son... Ben voilà, le téléphone sonne. Ah, il y a un téléphone qui sonne. Allô, oui. Passe la bombe. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a des nouvelles? On a des nouvelles, ils viennent de téléphoner. On vient de l'avoir de ses nouvelles au téléphone. Il vient de s'est posé donc à Gap et il n'a pas pu nous joindre par radio puisqu'il s'est posé très tard. Il s'est posé vers 19h30 et de Gap, un avion remorqueur l'a tiré et il arrive. Il est approprié. Eh oui, nous sommes bien posés, un petit peu durement, mais je voudrais tout de même dire qu'on avait un magnétophone et que les micros sont parfois ouverts pour avoir un petit peu le planeur. On a ouvert un tout petit peu les micros, ce qui a fait un atterrissage un petit peu puissant. C'est pas comme ça que ça se passe. On se pose pas comme ça, parce que là, c'est plutôt le bruit d'un crash, ça, le bruit d'un atterrissage. Bien, et on a tout eu d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce jour-là, nous, on s'est posé, mais il y a un planeur qui s'est posé un petit peu loin, et il y avait un petit suspense, parce que ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu, oui. Il s'est posé aux vaches, en fait. Se poser aux vaches, ça veut dire se poser sur un terrain ou dans un champ, et pas sur le terrain qu'on avait choisi au départ. En général, le terrain qu'on choisit, c'est le terrain de départ. Et là, il n'a pas pu rentrer, il s'est posé ailleurs, et on a eu un petit moment d'inquiétude, parce que la nuit était quand même assez proche. Mais non, finalement, c'était simplement un problème de communication. Il n'avait pas pu nous. Bon, j'espère qu'on a compris que le pilote de vol à voile, aujourd'hui, c'est avant tout un voyageur. Mais il y a une dernière question que je voudrais poser. Parfois, on va aux vaches, mais on reste aussi quelquefois en haut. Ça s'appelle, je crois, rester collé au plafond. Non, c'est pas ça. C'est l'expression que vous avez employée. C'est une belle expression. Ça veut dire qu'il y a des gens qui refusent de descendre. Ah, c'est autre chose. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Ah oui. Ils sont tellement bien, quoi. Il y a une griserie. Il y a une griserie. Oui, c'est quand même agréable de pouvoir contempler le sol d'une belle altitude et puis de rester collé sous le nuage parce que sous le nuage, il y a toujours l'ascendance. Et alors à ce moment-là, la radio vous rappelle durement qu'il est temps de redescendre. Oh, exact. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de voler la nuit, on pourrait le faire dans certains cas, effectivement, il faut qu'on se pose. C'est du vécu. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que quand on est en vol, il faut savoir qu'on peut mettre notre machine, en fait, au mètre près où on veut dans l'espace. Hein. Donc, on fait ce qu'on veut, finalement. Si on veut rester haut, on peut rester haut. Oui. C'est important de le dire. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, un pilote de vol à voile moderne est avant tout un voyageur. On l'a bien compris avec les tentatives de la transeuropéenne, n'est-ce pas, Lionel? C'est un pilote maître de sa machine et un pilote voyageur, comme tu le dis. Et nous avons essayé pendant 8 ans, enfin la fédération, le club d'Angers, d'orienter un peu les compétitions vers le voyage. Et nous avons réalisé des parcours de 2000-2500 km à travers l'Europe. On a visité l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne même. Nous y retournerons peut-être l'année prochaine. C'est un vol à voile un peu différent, le vol à voile itinérant du vol à voile classique. Classique, c'est peut-être, on l'a compris, qui demande une très grande préparation, une très grande compétence tout de même. Oh oui, les Canadiens appellent ça le vol voyage. Oui, bah tiens, justement, eux ils parlent très bien français, les Canadiens, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Terrible. Vous connaissez bien ce problème-là. Comment on vole à l'étranger, puisque vous avez pris beaucoup de contacts avec les vols étrangers? Des exemples, en Amérique, on fait quoi? En Amérique, on fait beaucoup de kilomètres. Le record du monde de distance est battu là-bas sur les Alleghanies. Ils ont fait 1650 kilomètres dans une seule journée. En vol de pente. Avec un planeur français aussi, oui. C'est-à-dire à 200-250 à l'heure constamment, à 30 mètres des arbres, avec des vents violents qui sont obligés de remonter ces fameuses pentes. On y fait aussi le vol le plus haut du monde, ils sont montés à 14 500 mètres, et en onde, avec de l'oxygène, avec des phénomènes ascendants qui sont les plus majestueux du monde, c'est-à-dire les fameuses ondes orographiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est du vent qui percute une montagne, qui redescend de l'autre côté de la montagne, qui percute le sol et qui rebondit comme une balle de mousse très très très haut. Il y a un pays au monde qui est la terre d'élection des planeurs et des vélivoles. La France. Oui, bien sûr. La France. Un petit peu chaud, hein, cher. Non, la France est l'une des grandes nations du vol à voile avec la Pologne, l'Allemagne et maintenant les États-Unis. On découvre, puisqu'on a changé, le vol à voile a changé, on a découvert le vol à voile de vitesse sur des grands circuits. Alors les grands pays sont devenus la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Texas et toujours la France parce qu'on a quand même de très très belles montagnes. On a des montagnes que nous envie l'Europe tout entière. Et en Amérique du Sud, parce que je vois les Andes, moi j'ai envie de passer au-dessus. Exact. C'est, le proche, c'est la prochaine étape. C'est ce que on pourrait appeler le vol à voile extrême. C'est en effet un pays où, le long de la cordillère des Andes, il y a des choses extraordinaires à faire. Mais, comme toujours, il y a des nations qui sont plus ou moins développées dans un sport. Eh bien, disons que les nations européennes et les Américains sont là-dedans. Par contre, en Amérique du Sud, c'est pas encore tout à fait ça. Mais ça se développe. Il y a des gens qui voyagent. Pour en revenir aux Andes, Adrien Boland a bien traversé les Andes en, je crois, avec 1925, un caudron G3. Oui, 1920, oui. Et c'était uniquement grâce au courant ascendant, c'était pas avec la puissance de son moteur. Elle a fait du vol à voile avec son avion. Mermoz aussi. Oui, parce que les plafonds, enfin, les avions plafonnaient son altitude et les montagnes étaient plus hautes. Oui, bien ça. Et puis les montagnes, les nuages montent avec les montagnes. Oui. Et si on avait connu le vol à voile plus tôt, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Et il y a certains pilotes de ligne qui reconnaissent que le vol à voile leur a servi. Bon. Je crois même qu'on a découvert les ondes dans les montagnes, car il y a eu des accidents avec des constellations, des gros avions de ligne. Et on a commencé à étudier l'atmosphère à partir de ce moment-là. Et on a découvert que ces avions s'étaient abîmés, car ils percutaient de l'onde. Ils étaient dans le mouvement descendant de cette onde-là. Et la puissance de leur moteur n'arrivait pas à compenser la descendance de l'air. Est-ce qu'on peut imaginer, à partir par exemple d'idées comme la transeuropéenne, une espèce de vol à voile de tourisme? On se pose sur un terrain avec des accords passés, et puis on reste à 3 jours et on repart. Je rêve. Sûr. Aux États-Unis, ils appellent ça des fly-ins. Hein. C'est des groupes qui se rassemblent et puis ils voyagent comme ça, comme des nomades. En France, on le pratique avec la transhumance. La transhumance, et il y a un pilote français qui a fait le tour de France sans remorque, sans rien, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de se vacher, et il s'est posé de terrain à terrain. Oui, Lionel. Une femme aussi a réalisé il y a 3 ans cette équipée-là. Et elle a été accueillie tout à fait. Bon, mais ça, c'est vraiment le vol à voile de haut niveau. Nous faisons une émission pratique. Alors, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une pilote de vol à voile, Sylvie Richard. Et après, nous parlerons pour ceux qui veulent commencer à faire du vol à voile. Une débutante, alors. Elle n'est pas débutante du tout, non. Mais elle va bien placer le problème du vol à voile de l'esprit. Et après, nous parlerons pour vous, auditeurs, comment vous pourrez faire du vol à voile dans ce pays charmant vu du ciel. Depuis 23 ans, j'ai commencé en 1963, à donc 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Et j'ai progressé essentiellement sur l'aérodrome de Vinon, j'ai commencé dans d'autres aéroclubs, j'ai volé également sur d'autres plateformes de vol à voile. Mais la plus grande partie de ma progression s'est effectuée sur l'aérodrome de Vinon, avec un très beau parc de planeurs, des instructeurs qui n'étaient pas du tout braqués contre les femmes et qui leur permettaient d'évoluer au même niveau que les hommes. Il y a combien de femmes qui veulent essayer à Vinon? Ou même en France d'ailleurs? Je crois que la moyenne nationale est entre 8 et 10%. Mais je pense qu'à Vinon, nous avons une moyenne supérieure. Justement par le fait des dirigeants qui ont toujours assez bien soutenu la progression des femmes. Alors comment ça s'est passé la première fois que vous êtes venu sur un terrain? Ou est-ce que vous étiez privilégié parce que vous aviez un grand frère qui faisait du vol à voile? Ou comment ça s'est passé? Je suis venue sur un terrain de vol à voile parce que je faisais un stage de pharmacie dans une ville à proximité d'un aéroclub et je voyais des planeurs qui tournaient le soir au-dessus de la ville. J'ai donc été voir. On m'a informé qu'il existait des bourses, des possibilités de voler, puisqu'à l'époque, faisant mes études, je n'avais pas les moyens financiers de tout payer. J'ai donc eu la possibilité de voler grâce aux bourses d'État. Le club dans lequel je volais m'a aidé également financièrement, ce qui m'a permis de ne jamais cesser de voler pendant toute cette période d'études difficile financièrement. Je crois le plus important, c'est le premier vol seul. Parce que avec l'instructeur, on a toujours une présence totalement efficace et rassurante. Alors qu'avec le vol seul, le premier vol seul, on est totalement libéré de cette présence justement qu'on souhaite voir le moins possible, d'un côté. Et puis d'un autre côté, un peu anxieux de ce que ça peut représenter, complètement seul. Mais c'est assez enthousiasmant. Vous y repensez encore à ce premier vol de temps en temps? Oh oui, totalement, oui. C'est un très très bon ami qui m'a lâché, que je revois régulièrement. Et je sortais de mon travail, j'étais en jupe et en chaussures à talons. Et il m'a dit, bon bah tu es là, on en profite, on fait 2 vols et puis tu pars seul. Et j'étais pas très très bien équipée, je crois, pour aller faire un vol seul, mais c'était super. Est-ce qu'on pourrait trouver une définition du vol à voile de la personne qui vole? Qu'est-ce qu'on ressent en l'air? Pourquoi vous volez exactement? Je crois que chacun y trouve un petit peu ce qu'il recherche en dehors de son travail, ou enfin, à sa part de rêve. Mais c'est l'échappée belle? c'est peut-être pour certains, c'est peut-être ça, c'est peut-être une envie de dominer pour d'autres, peut-être l'envie d'être seul. Mais je pense quand même une certaine... On a vraiment envie quand même de se, peut-être un petit peu de se surpasser. Et je crois qu'il y a chez beaucoup de pilotes peut-être une part d'orgueil quand même qui se cache un petit peu derrière d'être un petit peu plus que les autres, puisqu'on arrive à voler alors que les autres sont obligés de rester par terre. Donc je crois qu'il y a un petit peu quand même un instinct un peu, peut-être pas dominateur, mais un peu orgueilleux quand même, je pense, pour beaucoup. Et puis tout seul en son planeur, il faut y aller, il faut prendre des décisions. Bien sûr. On est tout seul. On est tout seul et puis on est totalement, voilà, et puis maître de sa propre décision et il faut assumer ses risques évidemment, mais on peut faire ça de façon très, très intelligente, je veux dire très technique, et puis ne jamais prendre de risques justement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un pilote de planeur comme d'avion, c'est d'abord quelqu'un de responsable ? Oui, je pense, de très responsable. J'ai été pilote de planeur avant d'avoir mon permis de conduire pour des problèmes d'âge, et j'ai donc piloté plutôt que je n'ai conduit, et je pense que ça donne une maîtrise de soi, un contrôle total de ses réactions, de ses réflexes, qui dans la vie aide beaucoup, je pense, à réussir professionnellement après, parce qu'on est peut-être un peu plus fonceur, peut-être un peu plus, on aime un peu plus les risques peut-être, mais les risques calculés intelligemment. Vous comptez voler encore combien d'années ? Bon, bah, je pense 77 ans, disait Monsieur Hergé, j'essaierai de faire au moins aussi bien que lui. Eh bien voilà, une Vélivol type, et maintenant je serais peut-être tout à fait intéressé par le fait de savoir comment est structuré le vol à voile français. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Lionel Audouin. D'abord une fédération qui regroupe à peu près 150 clubs, deux ministères de tutelle, le ministère des Transports, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et des aides de l'État, des possibilités. Bon, on est 12 000 pilotes en France. Ou stagiaire ou pilote confirmé. En planeur. En planeur, oui, nous sommes, parlons que de planeur. 140 clubs. La fédération subventionne ces jeunes pilotes et ça représente pour chaque personne qui cherche à faire du vol à voile un investissement de beaucoup de temps et de 4 000 à 8 000 francs par an. Les aéroclubs français disposent de combien de planeurs en moyenne dans les clubs ? Chaque club, une vingtaine de planeurs à peu près. Oui, les petites associations ont 3-4 planeurs et les grosses en ont jusqu'à 60-70. Ah oui, c'est important tout de même. Oui, alors comment ça se passe ? Alors on prête les planeurs, c'est ça ? On fait partie de l'aéroclub ? Oui, on a, hein ? Oui, c'est un club comme un club de football prête son terrain de foot. Et bien là, on vient faire du planeur avec les planeurs de l'association. On arrive le matin sur le terrain et puis si on est débutant, un instructeur vous prend en charge et commence à vous faire voler en vous donnant la pratique du... Cours théorique, cours pratique et puis débriefing une fois que le vol est fait pour lui expliquer ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et les examens ? Il y a un examen théorique qui permet aux jeunes de moins de 25 ans d'obtenir des bourses de l'État et qui leur permet de pratiquer le vol à des tarifs très préférentiels bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un esprit qui caractérise ces clubs ? Ah oui. Ah oui, ce sont des gens qui sont très sérieux en l'air et qui s'amusent beaucoup au sol. Ah, c'est très joli. Nous avons un pilote de vol à voile, est un grand rêveur. Et avant de donner tout à l'heure des informations encore plus précises et des numéros de téléphone pour les futurs apprentis pilotes, nous allons partir vers un dernier rêve d'un Vélivol. Un nouveau rêve d'Icar, peut-être, Jean-Claude Penaud. Je fais un sport qui me passionne. Autour de moi, il y a des gens passionnés par ce sport aussi. Et le sport lui-même doit s'auto-passionner. Et un sport pour aller de l'avant, mais il faut avoir des grands rêves. Eh bien, mon grand rêve, je l'avoue, c'est Concorde qui me l'a donné. Avoir traversé de nombreuses fois l'Atlantique Sud, dans les deux sens, à 17-18 000 mètres d'altitude, voir tout le système météo nuageux du front intertropical, m'a dit avec assurance que si un jour on doit traverser l'Atlantique, ce sera l'Atlantique Sud. Parce que c'est le seul endroit, entre le nord et le sud, où il y a une zone de convergence des vents et une ascendance extraordinaire d'un bout à l'autre entre les deux continents. Voilà, ça c'est le principe. La réalisation sera extrêmement compliquée, parce qu'en fait, ça peut se faire que par étapes. En plus, les sponsors ne sont pas entrés dans le vol à voile. Alors c'est pas à ma portée, c'est pas à la portée de ma bourse, c'est pas possible, c'est même pas à la portée d'un club. Il faudra que des gens s'intéressent à un tel projet. Naturellement, le planeur qui sera envisagé ne ressemblera pas du tout à celui sur lequel on vole aujourd'hui. Quelle Eh bien non, il ressemblera pas du tout, bien qu'actuellement aux États-Unis, on voit déjà des avions porteurs de cette technique, toute la série des Rutans. Vous savez, on a vu souvent sur les télévisions des avions petits canards. Oui. Avec on a l'impression qu'ils marchent à l'envers. Oui. Eh bien c'est ça la formule aérodynamique qui permettra aux planeurs d'augmenter leur performance. C'était Vélivol, un reportage proposé par Bernard Matignon et diffusé pour la première fois sur France Culture dans le magazine L'Échappée Belle le 27 septembre 1985. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.